dis un peu ce que tu veux, mais dis pas trop ce que tu fais. J'ai des pics avec des ficelles que je pense à me calibrer. Pourquoi tu veux la photo si tu me dis j'aime pas ce que tu fais? Donc crois pas que je suis ton poteau, je pourrais aller loin, tu vas loin, tu sais. Je peux te faire du reggae, du rock, la pop, du rap, du R&B. Je peux te faire un disque d'or tout seul dans l'Airbnb. Je peux te faire du reggae, du rock, la pop, du rap, du R&B. Je peux te faire un disque d'or tout seul dans l'Airbnb. En bout de soucis, laissez-moi le tout ça. Ma prohibie, laissez-moi le tout ça. Toute la journée, tu parles de moi, toi, c'est fou ça. C'est fou ça, c'est fou ça, c'est fou ça. Ah, c'est fou ça, c'est fou ça, c'est fou ça. Ah, c'est fou ça, c'est fou ça, c'est fou ça. C'est fou ça. Ah, c'est fou ça, c'est fou ça.